Noël, égaré, aveuglé par l'amour ou bien par sa beauté. La cause de la yacht, il m'aboute, je reste un solo, solo dans le métro. Abattu par l'amour, abattu par la vie, abattu par une femme. Y'a beaucoup trop de jaloux autour de nous, mon bébé, faut qu'on s'en aille. Tout un boli, maman, olili. Mais aujourd'hui, tout est fini. Et dehors, y'a personne pour te remplacer, ça j'ai con. Tu m'aimais beaucoup trop, j'ai pas respecté les contrats. Je te fais voir les beaux quartiers, viens je t'emmène avec moi. La tour Eiffel brille la nuit, et tes yeux aussi. Je t'aimais pour toute une vie, t'avais les Champs-Élysées, on l'a acheté. L'amour n'a pas de prix.